Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Erica. This is an upper intermediate lesson. Une leçon durant laquelle nous allons nous plonger dans une période que certaines personnes qualifient comme la plus belle de leur vie, être étudiant. C'est ça, mais aussi cette partie de la vie d'un étudiant ouais. Et peut-être ouais, la partie qu'on qualifiait comme la pire. Tout à fait, Erika, puisque la période des examens n'est probablement pas la plus agréable. Il y a quelque chose dans ce dialogue qui se passe uniquement en France, à l'université. C'est bien vrai, puisqu'on va voir ici qu'on va parler un moment du rattrapage. Ok, on devrait écouter le dialogue en premier. Tu as raison. Et puis après, on va tout expliquer. Très bien. Donc, on n'en dit pas plus, et c'est parti, on écoute le dialogue ensemble. Je suis super stressée en ce moment, j'ai l'impression que je ne révise pas assez. De quoi as-tu peur? Tu as validé ton premier semestre, non? Et tout s'est bien passé. Oui, mais ce semestre était vraiment difficile. J'ai peur de ne pas obtenir tous mes crédits et de devoir passer au rattrapage. Pire, j'ai peur de ne pas valider mon année et de ne pas avoir ma licence. Ne dis pas ça. Je suis sûr que ça va aller. Tu as assisté à tous les cours magistraux, tous les travaux dirigés. Oui, j'ai essayé d'être assidu. Et quand est-ce que tombe ton prochain partiel? Vendredi prochain. Tu vois, ça te laisse une semaine. Si tu veux, on peut faire un programme de révision et étudier ensemble. Moi aussi, quand j'étais étudiant, j'étais très stressé. Mais le vrai problème n'était pas que je révisais pas assez, mais plutôt que je révisais pas bien. Mais j'ai appris de mes erreurs et j'ai obtenu mon master de sciences économiques avec mention bien. Je suis convaincu que tu peux faire pareil, sinon mieux. Allez, courage. Bon, on va quand même voir ce qui se passe ici. D'accord. Alors, on a une fille ici qui est super stressée. Et elle a l'impression qu'elle ne révise pas assez. Comme nous tous, hein, c'est comme ça. C'est vrai qu'on a toujours ce sentiment qu'on n'étudie pas assez. Alors quand même, elle a un bon ami qui va la rassurer. Bon, qui va essayer de la calmer, on dirait un peu. Donc, il essaye de voir le problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a peur? De quoi as-tu peur? Et il lui donne une raison d'encouragement. Oui, parce qu'elle n'a pas à s'inquiéter tant que ça. Elle a validé son premier semestre. Ok, so, validé, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a réussi son premier semestre. Ok. Donc, elle a réussi les premiers examens qu'elle avait à faire. Quand on valide un semestre, ça veut dire « pass » en anglais. Mm-hmm. Quand on entend le mot « valider », il semble qu'il y a une action dedans, comme il faut faire quelque chose pour valider le semestre. Mais en fait, ça veut dire juste tout simplement « réussir ». Oui. Ok. Et tu sais bien passer, non? C'est ce qu'il a dit. Mais bon, elle est vraiment stressée, vraiment nerveuse. Elle le désavoue et elle lui dit « mais non, pour elle, il y a quand même un problème ». Alors, de quoi a-t-elle peur? Elle a quand même peur de ne pas obtenir tous ses crédits. Obtenir tous ses crédits, ça veut dire valider le semestre. Voilà, on revient à peu près à la même chose. Hein, c'est... Réussir les examens. C'est pareil. C'est la même chose. D'accord. Et en plus, okay. Sa seconde peur... Ok, yeah, parce que si elle n'obtient pas tous ses crédits, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devoir passer au rattrapage. Et ça veut dire quoi? Elle va devoir passer une deuxième session d'examen, qui est en fait une seconde chance. Ok, so, dans les universités françaises, oui. À la fin de l'année, il faut passer les examens pour obtenir les crédits et valider le semestre. C'est ça. Ok, et si on ne réussit pas ces examens, on doit passer au rattrapage. C'est bien ça. Mais c'est quand ça? Donc le rattrapage est à la fin de l'été. Ce qui est bizarre. Alors il faut attendre 3 mois pour refaire les examens en fait. Bon, ça te donne un peu de temps pour étudier aussi. Oui. Enfin, tu dis c'est bizarre, mais c'est dur parce que tu dois passer ton été à étudier. Donc t'as pas vraiment de vacances. Ok. C'est plus difficile, hein? Non, ils essaient d'avoir un examen de même difficulté. Alors pourquoi on réussirait la première fois? Pourquoi étudier? Parce qu'on peut revenir à la fin de l'été et le refaire. Si on peut essayer la première fois, si ça ne marche pas, on peut passer au rattrapage à la fin de l'été, non? Alors, pour la bonne et simple raison que après le rattrapage, si on rate encore, on n'a plus de chance. Ok. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut étudier pendant l'été. Et quand t'as tout le monde qui est en vacances, c'est peut-être pas la meilleure période. Oui. C'est pas plus facile de faire comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Chez nous, you only get one shot. En France, on a 12 opportunités. Ouais. Et la deuxième fois, si on réussit l'examen, ça ne change rien. On obtient les crédits et tu vas bien. Et c'est... Exactement, comme si tu avais réussi dès la première fois. Ok, wow, pretty cool. Ouais. Pas mal. So, elle a peur aussi d'une autre chose. Carrément, de ne pas valider son année. Ok. Et de ne pas avoir sa licence. Et on va reparler de licence après. On va reparler du système d'éducation français, ouais. Ok. Alors son ami, il est très gentil, il est très encourageant pour la motiver. Ouais, hein, il va vraiment, il dit « ne dis pas ça !» Je suis sûre que ça va aller. Il est vraiment gentil, hein. Il lui a rappelé deux détails qu'il faut pas qu'elle s'inquiète parce que... Parce qu'elle a assisté à tous les cours magistraux. Ce sont quoi les cours magistraux ? En fait, ce sont les cours théoriques qui se font en grande salle, ce qu'on appelle en France les amphithéâtres. Les cours magistraux, en fait, ce sont les lectures. So, elle a assisté à tous les cours magistraux and also... Et tous les travaux dirigés. Et les travaux dirigés, ce sont quoi ? Alors, en fait, là, ce sont plutôt des travaux pratiques qui se font en plus petits groupes. Mm. On fait plutôt des exercices, on étudie des cas spécifiques, des cas pratiques. Ok. Pendant le cours ? Non, non, c'est deux choses différentes. C'est un cours séparé. Voilà. Ok. Bon, elle est là, elle est... c'est ça timide, mais bon... c'est vrai, j'ai essayé d'être assidue. Elle reconnaît quand même qu'elle a déjà travaillé. Et assidue, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est allée régulièrement au cours, elle était présente. Ok. Quelque chose d'assidu, c'est quand on est... C'est constant, tu vois. Ok. Donc ici, évidemment, comme on parle des cours, ça veut dire qu'elle y est allée à chaque fois, ou presque à chaque fois. Alors après, il lui demande... Quand est-ce que tombe ton prochain partiel ? C'est le premier mot, quelque chose tombe, arrive. Le verbe tomber, qu'on connaît bien. Mais ici, ça veut dire quand est-ce que ça va arriver. Se passer. Tout à fait. Quand est-ce que tombe ton prochain partiel ? Qu'est-ce que ça veut dire, partiel ? Un partiel, c'est un examen. Et c'est exactement pareil, c'est un synonyme. Oui. Normalement, les étudiants français ne disent pas souvent examen, en fait. Ils disent partiel. Oui. En France, ils utilisent plus le mot partiel. Ok, bon. Alors, c'est vendredi prochain. Ça arrive, ça approche. Ça va tomber bientôt. Mais ça va, parce que ça lui laisse une semaine. Mais on a encore une semaine pour réviser. Oui, et elle lui propose... De l'aider. Comment ? En faisant un programme de révision, et donc en étudiant même avec elle. Et ce qui est très gentil, parce qu'il n'est plus étudiant, lui. Oui, mais bon, il a quand même de l'expérience, il s'en souvient. Oui, parce que quand il était étudiant, il était super stressé aussi. Encore un étudiant qui était stressé. D'après lui, c'était quoi le vrai problème ? Alors lui, par contre, il savait... Enfin, lui, ce n'était pas qu'il ne révisait pas assez... Mais c'est qu'il ne révisait pas bien. Mais il a appris de ses erreurs. Donc il a dû changer sa méthode. Et voilà. Il a obtenu son quoi ? C'était quoi le ? Il a obtenu son master de sciences économiques. Ok, we're going to talk about les masters plus tard. Avec mention bien. C'est pas mal. C'est quoi ça ? Quand tu passes les examens, quand tu réussis, ou bien tu as le minimum pour réussir, et là, tu n'as pas de mention. Mais si jamais tu réussis avec de bonnes notes, tu as une première mention, qui est la mention bien. Ok. It's a little bit like with honors, but... Oui. Et évidemment, tu peux avoir d'autres mentions. Mm-hmm. Quand tu as encore une meilleure note, tu vas avoir mention très bien. Lui, il est convaincu qu'elle peut faire pareil. Mais moi aussi, sinon mieux. Sinon mieux. Mais mieux que lui. Oui, peut-être la mention très bien. Par exemple, ce qui est, je crois, c'est summa cum laude, mention très bien. Alors là, je vais réviser mes cours de latin et je te dirai ça. Ok. Bon, allez, courage. Courage, courage à tous. Maintenant, on réécoute le dialogue. Ok. Je suis super stressée en ce moment. J'ai l'impression que je ne révise pas assez. De quoi as-tu peur ? Tu as validé ton premier semestre, non ? Et tout s'est bien passé. Oui, mais ce semestre était vraiment difficile. J'ai peur de ne pas obtenir tous mes crédits et de devoir passer au rattrapage. Pire, j'ai peur de ne pas valider mon année et de ne pas avoir ma licence. Ne dis pas ça. Je suis sûre que ça va aller. Tu as assisté à tous les cours magistraux, tous les travaux dirigés. Oui, j'ai essayé d'être assidue. Et quand est-ce que tombe ton prochain partiel ? Vendredi prochain. Tu vois ? Ça te laisse une semaine. Si tu veux, on peut faire un programme de révision et étudier ensemble. Moi aussi, quand j'étais étudiant, j'étais très stressé. Mais le vrai problème n'était pas que je révisais pas assez, mais plutôt que je révisais pas bien. Mais j'ai appris de mes erreurs et j'ai obtenu mon master de sciences économiques avec mention bien. Je suis convaincu que tu peux faire pareil, sinon mieux. Allez, courage! Let's talk a little bit about the French educational system because it's a lot different from like North American ones. Avec plaisir. Okay, so first, when you're 15 years old, Alors, it's your first like milestone, right? Voilà, parce qu'on termine le collège et puis après on obtient le brevet, qui est en fait le premier diplôme qui compte un peu. All right. And then after that, from when you're 15 to 18 ans, if you continue with your studies, there you can choose if you want to do something specialized, like a butcher or something. Oui, si on veut faire des études peut-être plus professionnelles. Ou bien. If you continue like the traditional school system. Voilà. Then the next step is at 18 ans. Ouh, alors là, il y a un examen qui est quand même vraiment très connu, très réputé en France, qui est le baccalauréat, ce que tout le monde en France appelle le bac. Okay, and that's kind of sort of similar to your high school diploma, like in America. Bac. Et alors, c'est une épreuve nationale qui se fait dans toutes les écoles. C'est le même examen dans toutes les écoles en France au même moment. Okay, all right. And then after that, you get the licence. That's bac plus 3 ans. Oui, comme la fille ici. Dans le dialogue, c'est ce qu'elle a peur de rater. Okay, and that's sort of similar to your bachelor's degree. The only difference in France, it takes 3 years to get. Oui. Okay, and is that the end? Non, on a encore aussi le master. Okay, that's bac plus 5 years. 5 ans, ouais. Okay, so 2 ans de plus. Oui. It used to be called la maîtrise, right? Et ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Okay, now it's called the master's. Oui. Which is basically 5 years after bac. Oui. And then finally, there's one more, right? Il y a encore le doctorat. But it's not quite like the PhD that we have because you have 8 years it takes after, it's an extra 3 years after your master's. 3 ans en plus. Okay. Après la fin du master. So if you got your doctorate, that means you went to school for 8 years after the bac. Oui. It's interesting how different it is. I remember doing translations of people's resumes. I did that for a while. Oui. And we had to be really careful about not translating exactly because it wasn't exactly the same degrees. Like if it was a licence, it's not really a bachelor's degree, we just have to say licence and put in parentheses, it's a 3-year degree after or whatever. Voilà, c'est dur d'avoir des équivalences parfaites, de trouver à quoi ça correspond parfaitement. Yeah. Maintenant, on essaye d'uniformiser les diplômes au niveau de l'Europe et peut-être même aussi avec les États-Unis. They should really do it in the world and make it a lot simpler for everyone. Mais ça arrive. Yeah. Okay, well, if you have any questions, come to frenchpod.com, you can ask us. Et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. Salut.